Daniel chapitre 2. Or, en la seconde année du règne de Nebuchadnetsar, Nebuchadnetsar songea des songes, et son esprit fut ému, et son sommeil fini. Alors le roi commanda qu'on appelât les magiciens, et les astrologues, et les enchanteurs, et les chaldéens, pour expliquer au roi ses songes. Ils vinrent donc, et se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, « J'ai songé un songe, et mon esprit s'est agité, tâchant de savoir le songe. » Et les Chaldéens répondirent au roi en langue syriaque, « Roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. » Mais le roi répondit, et dit aux Chaldéens, « La chose m'est échappée. Si vous ne me faites connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en voirie. Mais si vous me manifestez le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des largesses, et un grand honneur. Quoi qu'il en soit, manifestez-moi le songe et son interprétation. » Ils répondirent pour la seconde fois, et dirent, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit, et dit, « Je connais maintenant que vous ne cherchez qu'à gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'est échappée. Mais si vous ne me faites pas connaître le songe, il y a une même sentence contre vous, car vous vous êtes préparé pour dire devant moi quelques paroles fausses et perverses, en attendant que le temps soit changé. Quoi qu'il en soit, dites-moi le songe, et je saurai que vous m'en pouvez donner l'interprétation. » Les Chaldéens répondirent au roi, et dirent, « Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse exécuter ce que le roi demande, et aussi il n'y a ni roi, ni seigneur, ni gouverneur, qui ait jamais demandé une telle chose à quelque magicien, astrologue, ou chaldéen que ce soit. Car la chose que le roi demande, est extrêmement difficile, et il n'y a que les dieux, lesquels n'ont aucune fréquentation avec la chair, qui la puissent déclarer au roi. C'est pourquoi le roi commanda avec grande colère et indignation, qu'on mit à mort tous les sages de Babylone. La sentence donc fut publiée, et on tuait les sages, et on cherchait Daniel et ses compagnons, pour les tuer. Alors Daniel détourna l'exécution du conseil, et de l'arrêt donné à Arioche, prévôt de l'hôtel du roi, qui était sorti pour tuer les sages de Babylone. Et il demanda, et dit à Arioche, commissaire du roi, pourquoi la sentence est-elle si pressante de par le roi? Et Arioche déclara le fait à Daniel. Et Daniel entra, et pria le roi de lui donner du temps, et qu'il donnerait l'interprétation au roi. Alors Daniel alla en sa maison, et déclara l'affaire à Ananja, à Misaël, et à Azarja, ses compagnons, qui implorèrent la miséricorde du Dieu des cieux sur ce secret, afin qu'on ne mît point à mort Daniel et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Et le secret fut révélé à Daniel dans une vision de nuit, et là-dessus Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel donc prenant la parole, dit, « Béni soit le nom de Dieu, depuis un siècle jusqu'à l'autre, car à lui est la sagesse et la force, et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui ôte les rois, et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui découvre les choses profondes et cachées, il connaît les choses qui sont dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Ô Dieu de nos pères, je te célèbre et te loue de ce que tu m'as donné de la sagesse et de la force, et de ce que tu m'as maintenant fait savoir ce que nous t'avons demandé, en nous ayant fait connaître la parole du roi. C'est pourquoi Daniel alla vers Arioche, que le roi avait commis pour faire mourir les sages de Babylone, et étant arrivé, il lui parla ainsi, « Ne fais point mettre à mort les sages de Babylone, mais fais-moi entrer devant le roi, et je donnerai au roi l'interprétation qu'il souhaite. » Alors Arioche fit promptement entrer Daniel devant le roi, et lui parla ainsi, « J'ai trouvé un homme d'entre ceux qui ont été emmenés captifs de Juda, qui donnera au roi l'interprétation de son songe. » Et le roi prenant la parole, dit à Daniel, qui avait nom Belteshazzar, « Me pourras-tu faire connaître le songe que j'ai vu, et son interprétation ?» Et Daniel répondit en la présence du roi, et dit, « Le secret que le roi demande est-il, que ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins, ne le peuvent point découvrir au roi. Mais il y a un Dieu aux cieux qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnetsar, ce qui doit arriver au dernier temps. Ton songe, et les visions de ta tête que tu as eues sur ton lit, sont-elles? Tes pensées, ô roi, te sont montées dans ton lit, touchant ce qui arriverait si après, et celui qui révèle les secrets, t'a déclaré ce qui doit arriver, et ce secret m'a été révélé, non point par quelque sagesse qui soit en moi, plus qu'en aucun des vivants, mais afin de donner au roi l'interprétation de son songe, et afin que tu connaisses les pensées de ton cœur. Tu contemplais, ô roi, et voici une grande statue, et cette grande statue, dont la splendeur était excellente, était debout devant toi, et elle était terrible à voir. La tête de cette statue était d'un or très fin, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses hanches étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer, et ses pieds étaient en partie de fer, et en partie de terre. Tu contemplais cela, jusqu'à ce qu'une pierre fût coupée sans main, laquelle frappa la statue en ses pieds de fer et de terre, et les brisa. Alors furent brisés ensemble le fer, la terre, l'airain, l'argent et l'or, et il devint comme la paille de l'air d'été, que le vent transporte ça et là, et il ne fut plus trouvé aucun lieu pour eux, mais cette pierre qui avait frappé la statue, devint une grande montagne, et remplit toute la terre. C'est là le songe. Nous dirons maintenant son interprétation en la présence du roi. Toi, ô roi, qui es le roi des rois, parce que le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Et qu'en quelque lieu qu'habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, et les oiseaux des cieux, il les a donnés en ta main, et t'a fait dominer sur eux tous, tu as la tête d'or. Mais, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, et ensuite un autre troisième royaume, qui sera d'airain, lequel dominera sur toute la terre. Puis il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, parce que le fer brisé met en pièces toutes choses, et comme le fer met en pièces toutes ces choses, ainsi il brisera et mettra tout en pièces. Et quant à ce que tu as vu que les pieds, et les orteils étaient en partie de terre de potier, et en partie de fer, c'est que le royaume sera divisé, et il y aura en lui de la force du fer, selon que tu as vu le fer mêlé avec la terre de potier. Et ce que les orteils des pieds, étaient en partie de fer et en partie de terre, c'est que ce royaume sera en partie fort et en partie frêle. Mais ce que tu as vu le fer mêlé avec la terre de potier, c'est qu'ils se mêleront par semence humaine, mais ils ne se joindront point l'un avec l'autre, ainsi que le fer ne peut point se mêler avec la terre. Et au temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais dissipé, et ce royaume ne sera point laissé à un autre peuple, mais il brisera et consumera tous ces royaumes, et il sera établi éternellement. Selon que tu as vu que de la montagne, une pierre a été coupée sans main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain, la terre, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera si après, or le songe est véritable, et son interprétation est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, et se prosterna devant Daniel, et dit qu'on lui donna de quoi faire des oblations et des offrandes de bonne odeur. Aussi le roi parla à Daniel, et lui dit, « Certainement votre Dieu est le Dieu des dieux, et le Seigneur des rois, et c'est lui qui révèle les secrets, puisque tu as pu déclarer ce secret. » Alors le roi éleva en honneur Daniel, et lui donna beaucoup de grands présents, il l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone, et le fit plus grand seigneur, que tous ceux qui avaient la surintendance sur tous les sages de Babylone. Et Daniel fit une requête au roi, et le roi établit sur les affaires de la province de Babylone, Sadrach, Mésach, et Abednego, mais Daniel était à la porte du roi.